bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet. C'est la saga des Fab Four numéro 660 sur RIG 90.7 qui, le mercredi soir, vous le savez, entre 20h et 22h, devient la radio des Beatles. Cette émission existe depuis 1984. Bon, pas tout le temps sur RIG, mais quand même depuis plus de 15 ans sur RIG, c'est bien. On a fêté les 30 ans, les 40 ans. Peut-être qu'en 2034, si on est encore là, moi je parle de moi, on fêtera les 50 ans de cette émission. Un truc de fou. Mais bon, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, l'album de la semaine, c'est l'album Cloud Nine de George Harrison en 1987. Un excellent retour après 5 ans de silence. On écoutera la chanson éponyme, Cloud Nine. Il y aura également Just For Today. Il y aura That's What It Takes. When We Was Fab, qui rend hommage au Fab Four, évidemment. Devil's Radio. Et on terminera évidemment par la reprise Got My Mind Set On You. Mais il y aura aussi du Ringo Starr, du Lennon, du McCartney et des Beatles. Avec, par exemple, pour Ringo Starr, 6 O'Clock en 1973 sur l'album Ringo. Pour Lennon, It's So Hard, c'est si dur, sur Imagine en 71. McCartney nous chantera 1985 sur Ben on the Run. À l'époque, c'était de l'anticipation. Et puis là, maintenant, c'est du passé. Et oui, bah, et puis depuis un moment d'ailleurs. Depuis 40 ans déjà. Bon, ça passe vite, un peu plus. Et pour les Beatles, on commencera par Let It Be, la version du mix 2021 sur l'album Super Deluxe. 2021, sorti en 2021. Voilà. Pour le reste, eh bien, je vous convie à aller sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. On se retrouve sur l'affiche de l'album Cloud Nine de George Harrison et on en discute. Hein, d'accord? Alors à tout de suite et puis bonne émission, bonne écoute, bonne soirée. Vous êtes sur RIG, vous êtes bien. Vous êtes très très bien. Je l'ai dit en introduction, Cloud Nine marque le grand retour discographique de George Harrison après 5 ans de silence, comme John Lennon l'a fait entre 75 et 80, lui c'est entre 82 et 87. C'est un album lumineux, apaisé et inspiré. Il annonce une nouvelle dynamique dans sa carrière et prépare le terrain aux Traveling Wilburys. Pour Cloud Nine, eh bien, sachez que Cloud Nine, je me suis renseigné parce que je me disais nuage 9, est-ce que ce serait un clin d'œil à John Lennon? En fait, non. Chez les Anglais, Cloud Nine, c'est l'équivalent de septième ciel pour nous. Donc c'est plutôt une déclaration d'intention sereine et optimiste. George est sur son petit nuage, justement, il va bien. La slide est douce, la production limpide. Voici la chanson sur RIG. Have my land, it fits you like a glove. Joy my dream, tell me yes. Bail out, should there be a mess. The pieces you don't need are mine. Take my time, I'll show you cloud nine. My smile and my heart, they be yours from the start. Pieces to a bit of mine. Have my love, use it while it does you good. Share my highs, but the times that it hurts, pain on mine. Those pieces you don't need are mine. I'll see you there on cloud nine. Mm-hmm. in the morning, you've just gone to sleep. I wipe a tear from my eye. You can't be the kind of company I keep. That keeps me asking. You keep me asking. You keep me wondering why. No, I don't treat you like I should. Avez-vous reconnu la voix de soutien de Ringo ? Cette voix de soutien, c'est d'un certain Paul McCartney, l'auteur de la chanson. En 1973, la chanson s'appelle « Six O'Clock » et elle a été offerte par Paul McCartney à Ringo Starr pour son album qui s'appelle tout simplement « Ringo ». Maintenant, nous en sommes à John Lennon sur l'album Imagine et la chanson « It's so hard », c'est si difficile si vous préférez. C'est un morceau brut et poignant où le rock'n'roll fusionne avec une vérité authentique. Structuré autour d'un blues minimaliste, il évoque les difficultés de la vie tout en célébrant l'amour réconfortant, évidemment, de Yoko Ono. Enregistré en 71 avec la participation du saxophoniste King Curtis, cette chanson authentique contraste avec le reste de l'album. Elle est sur la face B du single Imagine, elle reflète la sincérité et la profondeur émotionnelle de Lennon, marquant un moment clé dans sa carrière. Au sujet du saxophone de King Curtis, C'est un saxophoniste de génie et ami de longue date de Lennon, et ce fut un ajout précieux à l'enregistrement de It's So Hard. C'était l'un des derniers musiciens à être impliqué dans l'album Imagine. Il avait à peine enregistré son solo que, tragiquement, il fut tué en août 71, quelques semaines après l'enregistrement donc de ce morceau. Curtis avait une histoire particulière avec les Beatles, ayant partagé la scène avec eux lors de leur tournée américaine en 65. C'est ce passé commun qui mena Lennon à vouloir collaborer avec lui, et un geste qui allait marquer l'une des dernières grandes performances du saxophoniste avant sa disparition prématurée. Lennon a demandé à Curtis de s'inspirer du morceau Honky Tonk de Bill Doggett Combo, un tube de 1956 pour son solo. Curtis enregistra avec brio un solo énergique, profondément ancré dans le blues et le jazz, qui contraste avec la simplicité presque spartiate de la chanson que voici sur RIG. You gotta live, you gotta love,

John préférait maintenant passer son temps avec Yoko, dont la présence dans les studios n'était pas du goût de tout le monde, c'est peu dire. George avait déjà quitté une fois le groupe et était totalement découragé par la façon dont ses chansons étaient systématiquement rejetées. Ringo, lui, avait déjà pris quelques jours de vacances durant l'enregistrement de l'album blanc quand l'atmosphère était devenue insupportable. Il était clair que Paul tentait de prendre le contrôle du groupe parce qu'il pensait qu'il n'arriverait à rien sans un minimum d'organisation et de discipline. Je crois que nous avons tous été très négatifs depuis le décès de Mr. Epstein, l'entend-on dire dans le film. Le seul moyen que nous avons de régler ce problème, c'est de se dire à tous les quatre, est-ce qu'on doit être positif ou est-ce qu'on doit tout laisser tomber? Le rôle de Paul était peut-être nécessaire, mais ne l'a pas rendu vraiment populaire. Ses ordres, conseils, réprimandes furent très mal acceptés par les autres, qui en éprouvèrent un vif ressentiment, même Ringo, oui. Let It Be fut composé en réponse à toutes ces pressions. Ces connotations religieuses sont accentuées par l'évocation de Mother Mary, qui semble désigner la Vierge Marie, mais qui est en réalité est une référence à la mère de Paul, Mary McCartney. quelle belle chanson. Cette chanson-là, on sent d'abord la patte de Jeff Lynne dans les chœurs, dans la façon dans laquelle on entend bien la batterie. C'était systématique pour les années 80, pour Jeff Lynne en tant que producteur. Et c'est aussi une réflexion sur la sagesse et la spiritualité au quotidien. Le message est clair, faire de son mieux aujourd'hui. Ce titre est marqué par sa philosophie à George spirituel sans être pesant. Nous avons un George calme, réfléchi, presque méditatif. Vous l'avez compris, c'était le deuxième extrait de l'album de la semaine qu'on a écouté. Et pour la suite, je vous ai réservé une petite surprise. Habituellement, je le mets pour la fin de l'émission. Et bien là, j'ai décidé de la mettre quasiment dès le début. Vous allez deviner tout de suite, dès la première note. On ne va pas parler pendant un moment parce qu'on va écouter avec le son très très fort. Il s'agit de la phase B entière d'Abbey Road, proposé seulement sur RG 90.7. The Here Comes the Sun at the End, sans arrêt. Little darling, it seems like you see.

La face B d'Abbey Road, oh, il manque juste le petit Majesty, mais on va s'en passer, sinon on va être obligé de couper d'autres chansons ailleurs. Ça n'a pas été comme habituellement lorsque je passe le medley Abbey Road, tout simplement parce que là c'était sur le logiciel que j'utilise pour passer les disques à la radio, alors qu'habituellement quand je vous le propose c'est sur le disque, le CD pour être exact, et à ce moment-là vous avez les temps de pause qui sont bien présents et non pas comme j'ai essayé de faire pour rendre ça le mieux possible. Bon, la radio s'améliore, ah oui, vous allez le constater en écoutant la radio RIG régulièrement, vous allez voir que RIG devient Rock is Good, et on a même un ordinateur qui nous dit lorsqu'il y a de nouveaux auditeurs et nouveaux auditrices. Il y a par exemple Manuela qui vient de rejoindre la saga des Fab Four. Je lui fais une grosse bise. Je ne sais plus du tout depuis quel département elle écoute, mais merci Manuela de rejoindre la saga. Tu as 660 émissions de retard rien que sur RIG et 42 ans, c'est la 42e année de retard aussi pour l'avoir en entier depuis la création de l'émission. Mais c'est pas grave. On peut arriver n'importe quand, Manuela. Merci à toi. Voici une chanson de Ringo Starr sur RIG. Take four. Yeah, you think? One, two. I wake up calling your name, but it's still not the same as having you right here with me. And if you go away for only a day, you know that I'll still love you. Ah! Je vous l'ai toujours dit, Ringo relève la tête à partir de 1981 et cet album Stop and Smell the Roses. Si vous achetez l'album habituel, vous n'aurez pas cette chanson qui s'appelle Wake Up. Elle est seulement sur une ressortie de l'album en titre bonus et c'est dommage qu'elle ne figure pas sur l'album parce que franchement, elle est sympa. Si nous revenions, et vous n'avez pas le choix puisque c'est moi qui suis aux commandes, à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Cloud Nine, sorti en 1987 par Monsieur George Harrison. Voici la chanson That's What It Takes. C'est une pop raffinée et efficace, mélodiquement parlant. La chanson est faussement simple et redoutable d'élégance. Le refrain est accrocheur, les harmonies vocales sont très soignées. George prouve qu'il sait encore écrire des chansons pop solides et on y va pour la chanson. C'est maintenant. Ce que j'allais dire, ça concernait la chanson suivante. Donc je l'efface. Encore une fois, on sent Jeff Lynne à la production. And now it begins to shine. And you found the eyes to see. Each little drop, the dawn of every day. Your smiling comes back to me. And whatever you may say, don't let it stop, never fade. Then we might as well start to make some changes. If that's what it takes, then I gotta be strong. Don't wanna be wrong. If that's what it takes, the closer I get into that. country, cette chanson-là. You Are Here, John Lennon en 1973 sur l'album Mind Games. Tout à l'heure, à partir de 22h, quelque chose, Eric, dans sa superbe émission Johnny de A à Z, vous parlera d'amour et d'amour en live. Ça promet, donc je vous propose d'être bien présent à partir de 22h pour Johnny de A à Z et l'amour live sur RIG. Oui, c'est Paul McCartney en 1982. Wanderlust. Juste après, ce sera deux Beatles à la suite. After all this time, I don't know why.

Sur le clip, on voit Harrison se mettre en position du lotus et avec, je sais pas, 8 bras. Et auparavant, il y a eu Ringo Starr qui est passé avec un clavier, mais un clavier qui n'a pas de fin. Un peu comme dans les Tex Avery, quoi. Le clip est absolument succulent. Voilà pour cet album, cette chanson plutôt, When We Was Fab de George Harrison. Nous en sommes à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou une fois les carrières séparées, même si eux-mêmes reprenaient déjà à leur époque, et même en carrière séparée, une chanson. Par exemple, George Harrison, quand il reprend Baltimore Orioles, c'est une reprise. Mais moi, ce que je souhaite, en vous passant la cover, c'est quelqu'un d'autre qui chante une chanson que eux ont chantée. Voici la cover, c'est assez récent, hein. La cover de Let It Be par une grande dame de la country qui s'appelle Dolly Parton. Le petit point qu'il y a sur cette chanson-là, c'est qu'il y a quand même la présence de Paul McCartney et de Ringo Starr dans la chanson. Et l'album s'appelle Rockstar et c'est sorti en 2023. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. petite demande aux spécialistes. Existe-t-il un clip avec Dolly Parton et Paul McCartney et éventuellement Ringo Starr en fond derrière les fûts? J'aimerais bien savoir, juste comme ça, histoire de savoir. Allez, la chanson suivante, vous savez, c'est des ressemblants à, ou c'est la famille des quatre de Liverpool. Et bien là, c'est la famille musicale, à savoir, c'est Brian... J'allais dire Brian Ray. Oui, ben c'est lui. C'est Brian Ray qui fait partie du groupe de Paul McCartney qui, en 2005, a sorti un album qui s'appelait Mondo Magneto. Et voici un titre, Good for Nothing, sur RG. Baby Like You, c'est une histoire d'amour. Justement, Eric, tu vas parler de ça, il me semble. Oui, tout à fait. Ce soir, dans l'émission de Julie de A à Z, vous verrez bien que amour ne rime pas forcément avec toujours dans la programmation que je vous ai concoctée pour cette fameuse émission Love Live. Parce que c'est le mois de février, et donc le mois de février, c'est le mois de l'amour. Ah, d'accord. Et oui. Bon, ok, merci. À tout à l'heure, Eric. À tout à l'heure. Getting harder to unplug your old grounding and content. en 2023 Ringo Starr sur son album qui s'appelait EP, tout simplement. De la saga des Fab Four, non pas de la saga des Fab Four, de Cloud Nine sur de George Harrison, et je vais y arriver, non mais je remets les rames et je rame un petit peu et je remets ça dans le bon sens, de George Harrison en 1987 qui est l'album de la semaine. C'est un regard lucide et une critique acérée des rumeurs et du bruit médiatique. Elle a un groove solide et un texte mordant. George se fait un observateur lucide du monde moderne. C'est Ringo Starr. En 2019, j'adore cette chanson Magic sur RG.

a dit « Tout est relatif ». Donc, je rends l'antenne relativement à l'heure. Merci d'avoir écouté la saga des femmes fortes. Je vous laisse entre de bonnes mains, je le sais, celle d'Eric, et de bonnes oreilles, là, puisqu'on va parler de Johnny Hallyday dans quelques instants. À très très bientôt. Bisous les filles, prenez une main aux garçons. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure. Salut.